Chapitre 3e. La conversation rapportée dans le chapitre précédent fut interrompue par l'arrivée de Pierre, qui, en sortant de la chambre, regarda Adeline très intelligiblement et lui fit presque signe. Elle était fort inquiète de savoir ce qu'il lui voulait, et passa bientôt après dans la salle où elle le trouva qui ne se pressait pas de s'éloigner. Dès qu'il la vit, il lui fit signe de ne rien dire et de le suivre dans un coin. « Eh bien, Pierre, lui dit-elle, qu'avez-vous à m'apprendre ?»« Chut, mademoiselle, pour l'amour de Dieu, parlez plus bas. Si l'on nous écoutait, nous serions perdus. » Adeline le pria de s'expliquer. « Oui, mademoiselle, c'est ce qui m'a trotté dans la tête toute la journée. Je n'ai pas cessé d'épier le moment. J'ai regardé, et tant regardé encore, que j'ai craint que mon maître ne m'aperçût. Mais j'ai eu beau faire, vous n'avez pas voulu m'entendre. » Adeline le conjura d'être prompt. « Oui, mademoiselle, mais j'ai tant de peur qu'on nous voie. Mais il n'y a rien que je ne fasse pour une aussi bonne demoiselle, car je ne saurais songer au danger qui vous a menacé sans vous en parler. » « Au nom de Dieu, dit Adeline, dépêchez-vous, sans quoi nous serons interrompus. Eh bien donc, mais il faut que vous me juriez, par la Sainte Vierge, que vous ne direz jamais que c'est moi qui vous l'ai dit, car mon maître me... je le jure, dit Adeline. Eh bien donc, lundi soir, comme je... Ben, n'ai-je pas entendu marcher? Mademoiselle, allez-vous-en vite par là dans le cloître. Je ne voudrais pas, pour tout au monde, qu'on nous aperçût. Je vais sortir à la porte de la salle, et vous viendrez par le passage. Pour tout au monde, je ne voudrais pas qu'on nous aperçût. » Adeline fut très effrayée de ce discours de Pierre et se hâta d'aller dans le cloître. Il parut bientôt, et regardant avec précaution autour de lui, il reprit de la sorte. « Comme je vous disais donc, mademoiselle, lundi soir, que le marquis coucha ici, vous savez qu'il veilla fort tard, et je crois peut-être en deviner la raison. Il s'est passé d'étranges choses, mais ce n'est pas mon affaire de dire tout ce que je pense. « Venez au fait, je vous en prie, » dit Adeline avec impatience. « Quel est ce danger qui me menace, dites-vous, dépêchez ou nous serons aperçus ?»« Un grand danger, mademoiselle, si vous saviez tout. Et quand vous le sauriez, qu'est-ce que cela ferait s'il n'est pas moyen de vous en tirer ?»« Mais je n'y vais pas par deux chemins. J'ai résolu de vous le dire quand je devrais m'en repentir après. » »« Vous avez bien plutôt résolu de ne point le dire, car vous n'avez pas encore avancé d'une ligne. Mais expliquez-vous donc, vous parliez du marquis. » »« Chut, mademoiselle, pas si haut. Le marquis, comme je vous le disais, a veillé fort tard, et mon maître a veillé avec lui. » Un de ces gens était venu coucher avec moi dans la chambre boisée, et l'autre était resté pour déshabiller son maître. Sitôt que nous fûmes assis tous deux, « Seigneur, ayez pitié de moi. Cela m'a fait dresser les cheveux. J'en tremble encore. Sitôt donc que nous fûmes assis tous les deux, « Mais sur ma vie, voici mon maître. Je l'ai entrevu à travers les arbres. S'il me voit, c'est fait de nous. Je vous dirai le reste une autre fois. » À ces mots, il courut dans l'abbaye, laissant Adeline dans un état inexprimable d'alarme, de curiosité et de souffrance. Elle alla se promener dans la forêt, rêvant au discours de Pierre et s'efforçant de deviner quel en était l'objet. Madame Lamothe la rejoignit alors, et elles s'entretinrent de différentes choses jusqu'à leur entrée dans l'abbaye. Adeline chercha vainement, ce jour-là, l'occasion de parler à Pierre. À souper, pendant qu'il servait, elle regardait de temps en temps son visage avec beaucoup d'inquiétude, dans l'espoir qu'elle pourrait y démêler quelque chose au sujet de ses craintes. Lorsqu'elle se retira, Madame Lamothe l'accompagna dans sa chambre et continua de causer avec elle fort longtemps, de manière qu'elle ne trouva pas moyen de voir Pierre en particulier. Madame Lamothe semblait affectée de quelque grand chagrin. Adeline s'en aperçut et la conjura de lui dire la cause de sa tristesse, mais les larmes lui vinrent aux yeux et elle sortit brusquement de la chambre. Cette conduite de Madame Lamothe concourait avec le discours de Pierre pour alarmer Adeline. Elle resta sur son lit, absorbée dans ses réflexions, et n'en fut tirée que par le timbre d'une horloge qui était dans la chambre au-dessous et qui sonna minuit. Elle se préparait à reposer, lorsque, se rappelant le manuscrit, il lui fut impossible de passer la nuit sans le lire. Les premiers mots qu'elle put distinguer étaient les suivants. « Je reviens à cette triste consolation. On m'a promis de voir encore un autre jour. Il est à présent minuit. Ma lampe solitaire brûle à côté de moi. Le moment est terrible. Mais pour moi, le silence de midi est comme le silence de minuit. Il ne diffère que par une obscurité plus profonde. Les heures taciturnes, invariables, ne sont comptées que par mes tourments. Grand Dieu, quand doivent-ils finir ? Mais pourquoi cette étrange détention ? Jamais je ne l'offensais. Si l'on me destine la mort, pourquoi ce retard ? Et pourquoi m'a-t-on conduit ici, si ce n'est pour y mourir ? Cette abbaye, hélas ! En cet endroit, le manuscrit était encore illisible, et pendant plusieurs pages, Adeline n'en put tirer que des phrases décousues. « Oh, Calice amère, quand trouverai-je le repos ? Oh, mes amis, aucun de vous ne volera-t-il à mon secours? Aucun de vous ne mangera-t-il mes tourments? Ah, quand il sera trop tard, quand j'aurai disparu pour toujours, vous tâcherez de les venger. La nuit est encore revenue pour moi. J'ai encore passé un jour dans la solitude et dans la souffrance. J'ai gravi à la fenêtre dans l'idée que l'aspect de la nature rafraîchirait mon âme et me donnerait quelque force pour supporter mes afflictions. Hélas, jusqu'à cette faible consolation qui m'est ravie. La croisée donne sur des parties intérieures de cette abbaye et ne reçoit qu'une portion de ce jour que je ne dois jamais revoir pleinement. Cette nuit. Adeline frissonna d'horreur. Elle tremblait de lire la phrase suivante. Mais la curiosité la pressait de poursuivre. Elle n'osa pas. Une frayeur indicible s'empara d'elle. Quelque horrible forfait a été consommé dans ces lieux, dit-elle. Le récit des paysans est véritable. On a commis un assassinat. Cette idée la fit tressaillir d'épouvante. Elle se rappela le poignard qui avait embarrassé ses pas dans les appartements dérobés, et cette circonstance servait à la confirmer dans ses plus terribles conjectures. Elle désirait examiner ce poignard, mais il était dans une de ses chambres et elle tremblait d'aller le chercher. « Malheureuse, malheureuse victime, s'écria-t-elle, aucun de tes amis ne pouvait-il te garantir de la mort? Aucun n'étais-je près de toi? Mais qu'aurais-je pu faire pour te sauver? Hélas, rien! J'oublie qu'en ce moment, peut-être, je suis, comme toi, livré à des dangers dont aucun ami ne viendra me défendre. Je ne prévois que trop quel est l'auteur de tes misères. » Elle s'arrête et croit entendre un sanglot pareil à celui qui s'était prolongé dans l'appartement la nuit précédente. Son sang se glace, elle reste immobile. Elle était alors dans sa chambre que lui avait rendue Madame Lamotte. Éloignée du reste de la famille, laquelle se trouvait presque hors de la portée de la voix, cet isolement frappa son imagination à tel point qu'elle eut bien de la peine à ne pas s'évanouir. Elle se tint sur son séant pendant un temps considérable, mais tout était tranquille. Après s'être un peu remise, son premier mouvement fut d'appeler la famille, mais ses réflexions l'en empêchèrent. Elle tâcha de calmer ses esprits et adressa une courte prière à cet être qui jusqu'alors l'avait garanti de tout danger. Son âme rassurée se releva par degrés. Une sublime satisfaction remplit son cœur et elle reprit la lecture du manuscrit. Plusieurs des lignes suivantes étaient effacées. Il m'avait dit que je n'avais pas plus de 3 jours à vivre et me donna le choix du fer ou du poison. Oh, quel moment d'agonie! Grand Dieu, tu vis mes souffrances. Souvent, avec l'espoir momentané de m'échapper, je regardais les barreaux élevés des fenêtres de ma prison. J'étais résolu de tenter l'impossible et dans un élan de désespoir, je gravis à la croisée. Mais le pied me manqua. Je tombai sur le plancher et fus étourdi du coup. En revenant à moi, le premier bruit que j'entends, ce sont les pas d'une personne qui entrait dans ma prison. Je me rappelais le passé. Ma situation était affreuse. Je frémissais de ce qui allait m'arriver. Le même homme s'approche. Il me regarde d'abord avec pitié, mais son visage reprend bientôt sa férocité naturelle. Il ne venait pas alors pour exécuter le dessein de celui qui l'emploie. Je suis destiné à vivre encore un jour. Grand Dieu, que ta volonté soit faite. Adeline ne put aller plus loin. Toutes les circonstances qui semblaient confirmer le destin de ce malheureux se pressaient dans son âme. Les rapports concernant l'abbaye, les songes qui avaient précédé sa découverte des appartements secrets, l'étrange hasard qui lui avait fait trouver le manuscrit et l'apparition qu'elle croyait alors avoir vue réellement. Elle se reprocha de n'avoir point parlé à Lamotte du manuscrit et des chambres et elle se promit de le faire le lendemain matin. Les soins pressants qui avaient occupé son âme et la crainte de perdre le manuscrit avant de l'avoir lu l'en avaient empêchée jusqu'alors. Elle pensa qu'une pareille combinaison de circonstances ne pouvait avoir été produite que par un pouvoir surnaturel pour opérer le châtiment du coupable. Ces réflexions remplirent son cœur d'une crainte que la solitude et la grandeur de la vieille chambre où elle était, ainsi que l'heure avancée de la nuit, changèrent bientôt en épouvante. Elle n'avait jamais été superstitieuse, mais un concours de circonstances aussi extraordinaires ne pouvait lui paraître l'ouvrage du hasard. Son imagination, travaillée par ses rapprochements, redevint encore sensible aux moindres impressions. Elle tremblait de regarder autour d'elle, dans la crainte de revoir quelque horrible fantôme, et elle se figura presque qu'elle entendait les voix gémir dans l'ouragan qui ébranlait alors l'édifice. Elle s'efforçait toujours de se rendre à ses maîtresses de ses sensations pour éviter de déranger la famille, mais elles devinrent si pénibles que la crainte même d'être tournée en ridicule par Lamotte fut à peine capable de la retenir dans sa chambre. Son âme était dans une telle agitation qu'il lui fut impossible de continuer le manuscrit, quoiqu'elle l'eût essayé, pour se délivrer des tourments de l'incertitude. Elle le quitta encore et chercha à se tranquilliser. « Qu'ai-je à redouter ? » dit-elle. « Je suis innocente, et je ne serai pas punie pour le crime d'un autre. » Une violente bouffée de vent, qui traversa toute la suite des appartements, secoua si fortement la porte qui conduisait de son ancienne pièce à coucher dans les chambres secrètes, qu'impatient de s'éclaircir, elle courut voir d'où le bruit provenait. La tapisserie qui couvrait la porte était violemment agitée. Adeline l'observa un moment avec une terreur inexprimable, mais enfin, persuadée que le vent seul la faisait mouvoir, elle fit un soudain effort pour maîtriser ses sensations et s'arrêta pour la soulever. Alors elle crut entendre une voix. Elle prêta l'oreille, mais tout était tranquille. Cependant la crainte la saisit tellement qu'elle n'avait la force ni d'examiner la chambre, ni d'en sortir. Quelques instants après, la voix se fit encore entendre. Elle fut alors convaincue qu'elle ne s'était pas trompée. Elle l'entendait distinctement, quoique très faible, et fut presque sûre qu'elle répétait son nom. Son imagination était si frappée qu'elle pensa que c'était la même voix qu'elle avait entendue dans ses rêves. Cette conviction acheva de lui donner le peu de courage qui lui restait, et tombant dans un fauteuil, elle perdit toute connaissance. Elle ne sut pas combien de temps elle avait demeuré dans cet état, mais en reprenant ses sens, elle rassembla toutes ses forces et gagna l'escalier tournant, d'où elle appela d'une voix très forte. Personne ne l'entendit, et elle courut aussi vite que le lui permettait sa faiblesse à la chambre de Madame Lamothe. Elle frappa doucement à la porte. Il lui fut répondu par Madame Lamothe, fort alarmée de s'entendre réveiller à une heure aussi indue, et croyait que quelque danger menaçait son mari. Ayant reconnu que c'était Adeline et qu'elle ne se trouvait pas bien, elle vint promptement à son secours. La terreur, encore peinte sur le visage d'Adeline, provoqua ses questions et celle-ci lui en expliqua la cause. Madame Lamothe fut si troublée de ce récit qu'elle appela son mari. Lamothe, plus fâchée d'être dérangée qu'inquiète de l'émotion dont il était témoin, gronda Adeline d'avoir écouté ses prestiges plutôt que sa raison. Elle lui fit part alors de sa découverte des chambres intérieures et du manuscrit. Circonstances qui excitèrent si fort l'attention de Lamothe qu'il voulut voir le manuscrit et aller tout de suite dans les appartements qu'Adeline venait de lui décrire. Madame Lamothe s'efforça de le détourner de cette résolution, mais Lamothe, sur qui la contrariété avait toujours un effet opposé à celui qu'on se proposait, et qui désirait jeter un nouveau ridicule sur les terreurs d'Adeline, persista dans son dessein. Il ordonna à Pierre de le suivre avec une lumière, insista pour être accompagné de Madame Lamothe et d'Adeline. La première s'en défendait, et Adeline déclara d'abord qu'elle n'irait point, mais il voulut être obéi. Ils montèrent dans la tour et entrèrent dans la première pièce tous à la fois. Chacun répugna à demeurer le dernier. Dans la seconde chambre, tout était en silence et en ordre. Adeline présenta le manuscrit et montra la tapisserie qui cachait la porte. Lamothe leva la tapisserie et ouvrit la porte. Mais Madame Lamothe et Adeline le conjurèrent de ne pas aller plus loin. Il leur dit de nouveau de le suivre. Tout était tranquille dans la première pièce. Il témoigna sa surprise d'avoir été si longtemps sans découvrir ses chambres et marchait vers la seconde. Mais il s'arrêta subitement. « Nous différons notre visite jusqu'à demain, » dit-il. « L'humidité de ces appartements est malsaine à toute heure, mais elle l'est encore plus pénétrante pendant la nuit. Je suis glacé. Pierre, souviens-toi d'ouvrir les fenêtres de bon matin, afin que l'air puisse circuler. »« Eh mon Dieu, monsieur, » dit Pierre, « ne voyez-vous pas que je ne saurais y atteindre ? D'ailleurs, je ne les crois pas faites pour être ouvertes. Voyez ces grosses barres de fer. En vérité, cette chambre a tout l'air d'une prison. Je crois que c'est là cet endroit qu'entendaient nos gens, lorsqu'ils disaient qu'aucun de ceux qui étaient entrés n'en était sorti. » Pendant ce discours de Pierre, Lamothe regarda attentivement les fenêtres élevées, qu'il avait peut-être vues d'abord, mais qu'il n'avait certainement pas examinées. Il interrompit l'éloquence de son balai et lui ordonna de marcher devant avec la lumière. C'est de bon cœur qu'ils sortirent tous de ses chambres et retournèrent dans la pièce en bas, où l'on alluma du feu et où tout le monde demeura quelque temps. Lamothe, pour des raisons à lui connues, essaya de ridiculiser la découverte et les craintes d'Adeline. À la fin, elle le pria de cesser avec un ton sérieux qui lui en imposa. Il garda le silence. Bientôt après, Adeline, rassurée par le retour de l'aurore, remonta dans sa chambre et goûta pendant quelques heures le charme d'un repos ininterrompu. Le lendemain, le premier soir d'Adeline, fut de se procurer une entrevue avec Pierre, qu'elle avait quelque espoir de rencontrer en descendant l'escalier. Il ne parut pas, et elle se rendit au salon, où elle trouva Lamothe qui avait l'air fort troublé. Adeline lui demanda s'il avait regardé le manuscrit. « J'ai jeté les yeux dessus, » dit-il, « mais le temps l'a fort endommagé, qu'à peine peut-on le déchiffrer. Il me paraît contenir une histoire étrange et romanesque. Je ne m'étonne plus. qu'après avoir laissé votre imagination se frapper de ces récits terribles, vous vous soyez figuré voir des spectres, entendre des voix. Adeline crut que Lamothe ne voulait pas être convaincue. Elle s'abstint donc de lui répliquer. Au déjeuner, pendant que Pierre servait, elle fixait souvent sur lui ses regards avec une impatiente curiosité, et sa figure l'assurait de plus en plus qu'il avait quelque chose d'important à lui communiquer. Dans l'espérance d'avoir un entretien avec lui, elle sortit du salon dès qu'il lui fut possible et se rendit dans son allée favorite. Elle y était à peine lorsque Pierre se montra. « Mon Dieu, dit-il, mademoiselle, je suis bien fâché de vous avoir fait peur la nuit dernière. »« De m'avoir fait peur, dit Adeline, et quel rapport avez-vous avec ma frayeur ?» Il lui apprit alors que, sitôt qu'il avait cru monsieur et madame Lamothe endormis, il s'était coulé à la porte de sa chambre dans l'intention de lui dire la suite de ce qu'il avait commencé le matin, qu'il l'avait appelé plusieurs fois aussi haut qu'il l'osait, mais que ne recevant point de réponse, il avait cru qu'elle dormait ou ne voulait point lui parler, et qu'en conséquence il s'était retiré. Cette explication de la voix qu'elle avait entendue ranima ses esprits. Elle fut même étonnée de ne pas l'avoir reconnue, mais en se rappelant le désordre de son âme quelque temps auparavant, sa surprise cessa. Elle conjura Pierre d'être au court en lui exposant le danger dont elle était menacée. « Si vous voulez me laisser dire à ma guise, mademoiselle, vous le saurez bientôt. Mais lorsqu'on me trouble et qu'on me fait des questions à tort et à travers, je ne sais plus ce que je dis. »« À la bonne heure, » dit Adeline, « souvenez-vous seulement que nous pouvons être aperçus. »« Oui, mademoiselle, j'en ai tout autant peur que vous, car je crois que je passerai presque aussi mal mon temps. Au reste, je ne vois personne. » Mais je suis sûr que si vous restez encore une nuit dans cette abbaye, il vous arrivera malheur, car je vous le dis, je suis au fait de tout. Et de quoi donc, Pierre? Vraiment, du complot qui va son train? Quoi, serait-ce mon père? Votre père? Interrompit Pierre. Et mon Dieu, tout cela n'est que pour vous effrayer. Ni votre père, ni personne n'est venu vous demander. Je vous jure qu'il n'a pas plus de vos nouvelles que le pape. Non, vraiment. Adeline parut fâchée. Vous badinez, dit-elle. « Si vous avez quelque chose à me dire, dites-le promptement, je suis pressé. »« Mon Dieu, mademoiselle, je n'y entendais pas malice. J'espère que vous n'êtes pas en colère. Mais je suis sûr que vous n'irez pas que votre père soit cruel. Mais comme je vous le disais, le marquis de Montalt vous aime, et lui et mon maître, » Pierre regarda de côté et d'autre, « ont tenu conseil ensemble sur votre compte. » Adeline pâlit. Elle comprit une partie de la vérité et le conjura de poursuivre. « Ils ont tenu conseil sur votre compte. » Voici ce que Jacques, le laquais du marquis, m'a conté. Pierre, me dit-il, vous ne savez guère ce qui se passe. Je vous dirais bien tout si je voulais, mais ce n'est pas bien de dire ce qu'on nous confie. Je gage à présent que votre maître est fort discret avec vous. Là-dessus, je me suis piqué, et j'ai voulu lui persuader que l'on pouvait se confier à moi aussi bien qu'à lui. Peut-être que non, lui dis-je, peut-être que j'en sais tout autant que vous, quoique je ne m'en vante pas. Oui, Da, dit-il, en ce cas vous êtes plus discret que je ne croyais. « C'est une jolie fille, » dit-il en parlant de vous, mademoiselle. « Mais au bout du compte, ce n'est qu'une pauvre enfant trouvée. Ainsi, ce n'est pas grand-chose. » J'avais envie de mieux savoir ce qu'il voulait dire. En faisant semblant d'en savoir autant que lui, j'ai si bien fait qu'il a tout découvert. Il m'a dit, « Mais vous êtes pâle, mademoiselle. Vous trouveriez-vous mal ?»« Non, » dit Adeline d'une voix tremblante, pouvant à peine se soutenir. « Continuez, je vous prie. » Il m'a dit que le marquis vous avait fait la cour fort longtemps, mais que vous ne vouliez pas l'écouter, qu'il avait même prétendu vouloir vous épouser et qu'il n'y avait pas eu moyen. Pour ce qui est du mariage, ai-je dit, je suppose qu'elle sait que la marquise est vivante, et je suis bien sûr qu'elle n'est pas faite pour être avec lui sur un autre pied. « La marquise est donc réellement vivante ?» dit Adeline. « Eh oui, mademoiselle. Nous savons tout, et je croyais que vous saviez cela aussi. »« C'est ce qu'il faut voir, » répliqua Jacques. « Du moins, je crois qu'il sera plus fin qu'elle. » Je fus étonné. Je ne puis m'en empêcher. « Oui, dit-il, vous savez que votre maître est convenu de la livrer à monseigneur. »« Grand Dieu, que vais-je devenir ?» s'écria Adeline. « Oui, mademoiselle, je suis fâché pour vous. Mais écoutez jusqu'à la fin. » Quand Jacques me dit cela, je m'oubliais tout à fait. « Je ne le croirai jamais, lui dis-je. Je ne croirai jamais que mon maître se rende coupable d'une action aussi lâche. Il ne la livrera pas ou je ne suis pas chrétien. »« Oh, dit Jacques, je croyais que vous saviez tout. » Sans quoi je n'aurais pas soufflé le mot. Au surplus, vous pourriez en avoir le cœur net en allant écouter à la porte du salon, comme j'ai fait. Ils sont maintenant en consultation là-dessus. Vous n'avez pas besoin de me rien dire de plus de cette conversation, dit Adeline, mais apprenez-moi le résultat de ce que vous avez entendu dire dans le salon. Vraiment, mademoiselle, je l'ai pris au mot, et je suis allé à la porte, où j'en suis bien sûr, j'ai entendu mon maître et le marquis qui parlaient de vous. Ils ont dit bien des choses dont je n'ai rien compris, mais à la fin j'ai entendu le marquis dire « Vous savez de quoi nous sommes convenus. Ce n'est qu'à ces conditions que je veux bien ensevelir le passé dans l'oubli. C'est le mot. » M. Lamothe a dit alors au marquis que s'il voulait revenir à l'abbaye le soir, il entendait ce soir même, mamselle, tout serait préparé suivant ses désirs. « Adeline sera en votre pouvoir, monseigneur, a-t-il dit. Vous savez déjà où est sa chambre. » À ces mots, Adeline joignit les mains et leva les yeux au ciel dans un désespoir silencieux. Pierre continua. « Quand j'entendis cela, je ne pus douter davantage de ce que Jacques m'avait dit. « Eh bien, dit-il, qu'en pensez-vous maintenant ?»« Eh, mais, que mon maître est un coquin. » Et je dis, « Il est heureux que vous n'en disiez pas autant du mien. » Pour ce qui est de cela, et je dis, Adeline, l'interrompant, lui demanda s'il n'en avait pas entendu davantage. À l'instant même, dit Pierre, nous entendîmes Madame Lamothe venir d'une autre chambre et nous courûmes vite à la cuisine. Elle n'était donc pas présente à cette conversation, dit Adeline. Non, mademoiselle, mais je gage bien que mon maître lui en a parlé. Adeline fut presque aussi désolée de cette apparente perfidie de Madame Lamothe que du sort dont elle était menacée, après avoir rêvé quelque temps dans une agitation extrême. Pierre, dit-elle, vous avez un bon cœur et vous sentez une juste indignation de la trahison de votre maître. Voulez-vous m'aider à me sauver? Ah, mademoiselle, dit-il, comment vous y aider? Et puis, où irions-nous? Je n'ai point d'amis alentour d'ici, pas plus que vous. Oh, reprit Adeline, vivement émue, nous fuyons nos ennemis. Des étrangers peuvent devenir nos amis. Aidez-moi seulement à sortir de cette forêt, et vous mériterez mon éternelle reconnaissance. Dès que je serai dehors, je n'aurai plus de crainte. Oh, pour ce qui est de la forêt, répliqua Pierre, j'en suis moi-même fort ennuyé. En y arrivant, je crus que nous y mènerions une bonne vie, au moins une vie comme je n'en avais jamais menée auparavant. Mais ces morts qui reviennent dans l'abbaye, je ne suis pas plus poltron qu'un autre, mais je ne les aime pas. Et puis il court des bruits si étranges. Et mon maître, je crois que je l'aurais suivi au bout du monde, mais à présent il me tarde de le quitter, à cause de sa conduite à votre égard, mademoiselle. Vous consentez donc à favoriser mon évasion, dit Adeline avec vivacité. Oh, quant à cela, mademoiselle, de tout mon cœur, si je savais où aller. J'ai bien une sœur en Savoie, mais il y a bien loin. J'ai bien épargné quelque argent sur mes gages, mais cela ne suffirait pas pour une aussi longue route. Que cela ne vous arrête point, dit Adeline. Si j'étais une fois hors de cette forêt, je tâcherais de pourvoir à mes besoins et de vous témoigner ma reconnaissance. Oh, quant à cela, mademoiselle. Eh bien, mon cher Pierre, songez au moyen de nous sauver. Ce soir, dites-vous, ce soir, le marquis doit revenir? Oui, mademoiselle, ce soir à la Brune. J'ai imaginé un moyen. Les chevaux de mon maître pâturent dans la forêt. Nous pouvons en prendre un et le renvoyer à la première poste. Mais comment éviter d'être aperçu? D'ailleurs, si nous fuyons de jour, il va nous poursuivre et nous rattraper. Si vous attendez la nuit, le marquis sera venu et il n'y aura plus de ressources. S'ils voient que nous sommes absents tous les deux, ils se douteront de la chose et partiront sur le champ. Ne pourriez-vous pas vous en aller la première et m'attendre quelque temps? Alors, tandis qu'ils vous chercheront dans l'abbaye, moi je m'esquiverai et nous serons hors de leur portée avant qu'ils songent à nous poursuivre. » Adeline convint de la justesse de ses observations et fut étonnée de la sagacité de Pierre. Elle lui demanda s'il savait quelque endroit dans le voisinage de l'abbaye où elle put se cacher jusqu'à ce qu'il arrivât avec un cheval. « Vraiment, oui, mademoiselle, maintenant que j'y songe, il y a un endroit où vous serez très en sûreté, car personne n'en approche. Mais on dit qu'il y a des revenants, et peut-être ne voudrez-vous pas y aller ?» Adeline, se ressouvenant de la nuit dernière, fut un peu effrayée. Mais le sentiment de son danger actuel se réveilla dans son âme et triompha de toutes ses autres appréhensions. « Où est cet endroit ? » dit-elle. « Si je puis m'y cacher, je n'hésiterai point à m'y rendre. » « C'est un vieux tombeau qui est dans la partie du bois la plus épaisse, un quart de mille de la route la plus prochaine et presque un mille de l'autre. Quand mon maître avait coutume de se cacher lui-même dans la forêt, je l'ai suivi dans les environs. Mais ce n'est que d'avant-hier que j'ai trouvé le tombeau. Au surplus, qu'à cela ne tienne, si vous osez y venir, mademoiselle, je vais vous enseigner le chemin le plus court. » À ces mots, il lui montra, sur la gauche, un sentier tournant. Adeline, ayant regardé alentour sans voir personne, dit à Pierre de la conduire au tombeau. Ils suivirent le sentier, et bientôt, s'enfonçant dans la forêt sous les ombrages romantiques, sombres et presque impénétrables aux rayons du soleil, ils arrivèrent à l'endroit où Louis, précédemment, avait suivi les pas de son père. Le repos et la solennité de la scène frappèrent d'épouvante le cœur d'Adeline. Elle s'arrêta et la contempla quelque temps en silence. Enfin, Pierre la mena dans l'intérieur de la ruine où ils descendirent par plusieurs marches. « Un ancien abbé, dit-il, a été enterré ici, à ce que prétendent les gens du marquis. Et il y a toute apparence qu'il était de notre monastère. Mais je ne sais pas pourquoi il s'est mis dans la tête de revenir. Certainement, il n'a pas été assassiné. »« J'espère que non, » dit Adeline. « On n'en pourra pas lire autant de tous ceux qui sont entrés à l'abbaye. » Et Adeline l'interrompit. « Paix, » dit-elle, « à coup sûr, j'entends du bruit. Que le ciel nous garde d'être découverts. » Ils prêtèrent l'oreille, mais tout était paisible, et ils avancèrent. Pierre ouvrit une porte basse, ils entrèrent dans un passage sombre et fréquemment obstrué par des fragments de pierre, le long desquels ils ne marchaient qu'avec précaution. « Où allez-vous ? » dit Adeline. « J'ai bien de la peine à me reconnaître, » dit Pierre, « car je n'ai jamais été aussi avant, mais tout paraît assez tranquille. » Quelque chose lui barra le chemin. C'était une porte qui céda sous sa main, et découvrit une espèce de cellule qui ne recevait qu'un jour obscur par une grille dans le haut. Un faible rayon traversait la pièce et en laissait la plus grande partie dans l'ombre. Adeline soupira. « Cet endroit est horrible, » dit-elle, « mais s'il m'offre un asile, c'est un palais. Pierre, souvenez-vous que mon repos et mon honneur dépendent de votre fidélité. Soyez à la fois discret et courageux. Ce soir, sur la brune, seul moment où je puis m'échapper de l'abbaye avec le moins de danger d'être aperçu, je viendrai vous attendre dans cette cellule. Aussitôt que monsieur et madame Lamotte seront occupés à chercher sous les voûtes, vous m'amènerez ici un cheval. Trois coups frappés sur le tombeau m'informeront de votre arrivée. Au nom de Dieu, soyez prudent et ponctuel. Oui, mademoiselle, quoi qu'il puisse en arriver. » Ils remontèrent dans la forêt. Adeline, tremblant d'être observée, dit à Pierre de courir le premier à l'abbaye. Et s'il n'avait eu besoin de lui, d'imaginer quelque excuse pour son absence. Lorsqu'elle fut seule, elle répandit un torrent de larmes et s'abandonna à l'excès de sa douleur. Elle se voyait sans amis, sans parents, sans secours, abandonnée au plus affreux des dangers et trahie par les personnes mêmes à qui elle avait donné si longtemps des consolations, qu'elle avait aimées comme ses protecteurs et respectées comme les auteurs de ses jours. Cette pensée frappa son cœur des plus affligeantes sensations, et celle de son péril imminent absorba pendant quelque temps la douleur d'avoir découvert dans autrui des desseins aussi criminels. Elle recueillit enfin tout son courage, et reprenant la route de l'abbaye, s'efforça d'attendre avec patience le déclin du jour et de soutenir une apparence de calme en présence de monsieur et de madame Lamotte. Dans le premier moment, elle évita de les voir, ne comptant pas assez sur son habileté à déguiser ses émotions. Elle se rendit donc dans sa chambre en rentrant à l'abbaye. Là, elle tâcha de fixer son attention sur différents projets, mais ce fut en vain. Le danger de sa situation et le regret de s'être si cruellement abusé sur le caractère de ceux qu'elle estimait, qu'elle aimait tant, assiégeait ses pensées. Pour une âme généreuse, peu de circonstances sont plus affligeantes que la découverte de la perfidie dans les personnes qui avaient notre confiance, quand même il n'en résulterait pour nous aucun préjudice. Ce qui l'attristait le plus, c'est la conduite de madame Lamotte qui, en se cachant d'elle, avait conspiré à la perdre. « Combien mon imagination m'a trompé, » dit-elle, « quel tableau il m'avait tracé de la bonté des hommes. Et me faut-il donc croire que tout le monde est fourbe ou cruel ? Non. Que je sois toujours abusé, toujours victime, plutôt que d'être condamné à ce malheureux état de défiance. » Alors elle essaya de pallier les torts de madame Lamotte en les attribuant à la crainte qu'elle avait de son mari. « Elle n'ose pas lui désobéir, » dit-elle. « Autrement, elle m'avertirait de mes périls. Elle m'aiderait à les éviter. Non, je ne la croirais jamais capable de tramer ma ruine. » La terreur seule lui a fermé la bouche. Adeline fut un peu consolée par cette réflexion. La bienveillance de son cœur la rendait sophiste subtile. Elle ne s'apercevait pas que rapporter à la crainte la conduite de madame Lamotte, ce n'était que diminuer le degré de son crime, en l'imputant à un motif moins dépravé, mais non pas moins personnel. Elle resta dans sa chambre jusqu'à ce qu'on l'avertît pour dîner. Elle essuya ses larmes et descendit au salon, le cœur palpitant et d'un pas mal assuré. À l'aspect de Lamotte, malgré tous ses efforts, elle trembla et devint pâle. Elle ne pouvait regarder même avec un air d'indifférence l'homme qu'elle savait avoir conjuré sa perte. Il remarqua son émotion et lui demanda si elle était indisposée. Elle vit le danger que son agitation lui faisait courir. Craignant que Lamotte n'en soupçonnât la véritable cause, elle recueillit toutes ses forces et répondit d'un air de contentement qu'elle se portait bien. Pendant le dîner, elle conserva assez de tranquillité pour cacher réellement les nombreuses souffrances de son cœur. Lorsqu'elle regardait Lamotte, la terreur et l'indignation étaient ses sensations prédominantes. mais lorsqu'elle regardait Madame Lamotte, c'était tout autre chose. La reconnaissance pour sa première amitié s'était tournée depuis longtemps en affection, et son cœur se gonflait alors de l'amertume, de la douleur et de l'espérance trompée. Madame Lamotte avait l'air abattue et parlait peu. Lamotte semblait empressée d'éloigner les réflexions en feignant une gaieté peu naturelle. Il riait, jasait et sablait de fréquentes rasades. C'était la joie du désespoir. Madame Lamotte prit l'alarme et voulut le retenir. Mais il continua ses libations à Bacchus jusqu'à ce qu'il parût avoir presque étouffé toute réflexion. Madame Lamotte, craignant que dans cette insouciance du moment il ne se trahît lui-même, se retira avec Adeline dans une autre chambre. Adeline se rappelait les heures fortunées qu'elle avait passées autrefois avec elle, lorsque la confiance bannissait la réserve, lorsque la sympathie et l'estime dictaient les sentiments de l'amitié. Ces heures étaient écoulées pour jamais. Elle ne pouvait plus épancher ses souffrances dans le sein de Madame Lamotte, elle ne pouvait même plus l'estimer. Cependant, malgré tous les dangers où l'exposait son criminel silence, elle ne pouvait s'entretenir avec elle pour la dernière fois, sans éprouver un chagrin que la philosophie traitera de faiblesse, mais que la bienveillance appellera d'un nom plus doux. Madame Lamotte, dans sa conversation, paraissait presque aussi accablée qu'Adeline. Ses idées étaient disparates, il y avait de longs et fréquents intervalles de silence. Plus d'une fois, Adeline la surprit, fixant sur elle un regard de tendresse, et vit ses yeux se remplir de larmes. Elle en était si affectée qu'elle fut plusieurs fois sur le point de se jeter à ses pieds pour implorer sa pitié et sa protection. La réflexion lui en fit sentir le danger, et elle réprima des émotions qui la forcèrent à la fin de s'éloigner de la présence de Madame Lamotte.